La vie est comme ça maintenant, délétère et morne. N'être rien. Tu bouffes, tu parles, tu pleures, tu chies. N'être rien. Tu bouffes, tu parles, tu pleures, tu chies. N'être rien. Tu bouffes, tu parles, tu pleures, tu chies. N'être rien. Tu bouffes, tu parles, tu pleures, tu chies. Bon, allez, on y va. J'ai une petite recette de derrière les fagots. Putain, c'est illisible. Alors, tu fais tomber ta tête tout en ayant scotché tes paupières sur la plage. Tu roules des yeux, le sable granuleux s'insinue et sue sous ta cornée. Tu ouvres ta bouche tout en tombant et tout craque et crisse sous tes dents. Tu baves et ta sueur coule sinueusement pour rejoindre la mer. Voilà, et donc tout ça bien sûr à 180 degrés pendant 45-50 minutes. Kilo d'épaule devant tous les ossements, coupé en morceaux de 65 grammes. Pochette de l'album. Plus 1 kg de pommes de terre, 500 g de tomates fraîches, oignons, nouveau 125 g.